sort cette j'ai pas sur quoi écrire, j'ai plus à quoi penser, y'a plus rien qui m'inspire, j'expire, y'a qu'au bonheur que j'aspire, plus motivé à rien, la lassitude m'inspire, j'ai des problèmes de santé, mais la flemme de me soigner, l'évolution me déçoit, anéantit mes souhaits, super cool, super calme, super dangereux, j'ai la haine, les gens parlent, rien que des rageux, à cette heure-ci la vie est simple, toujours un pour la compliquer, j'aimerais bien que tout le monde se kiffe, y'a trop d'animosité, c'est aujourd'hui je t'aime, casse pas la tête ou je te calme, on a grandi trop vite, c'est qui le bâtard qui a inventé les armes, on dit que je suis fou, tu me connais pas, alors me cherche pas, je suis dans mon monde, un brin lucide, n'en profite pas, j'ai la foi au point d'aller aider mes frères en Palestine, ça ferait plaisir d'avoir un peu plus de succès d'estime, quand les racines fissurent et ventent le bitume, les paroles de nos pères embellissent nos coutumes, derrière le chétin quand je vois ce qui décolle de Charles de Gaulle, tellement de soucis que je me dis que j'aimerais bien retourner en taule, Master-ci, percer dans le rap c'est pas mon souci, mon futur je le connais à destin en sursis, quand les racines fissurent et ventent le bitume, les paroles de nos pères embellissent nos coutumes, Master-ci, percer dans le rap c'est pas mon souci, mon futur je le connais à destin en sursis, quand les racines fissurent et ventent le bitume, les paroles de nos pères embellissent nos coutumes, faut être fort frère, faut pas être lâche, fini l'époque des châteaux forts, ça blaire, faut qu'on s'arrache, au jour où le stress tue plus vite que les maladies, un enfant sourit, me redonne espoir en la vie, ça fait mal quand ça passe de l'amour à la haine, et on se comprend, noyé dans la peine, t'as 18 piges, t'as de la maille, tu bicraves, regarde ton père, tu mérites une bonne barre, on croit que c'est Beverly Hills, Hollywood, on part en live, combien de fois par jour tu penses à Dieu, pas à ta liasse, t'as besoin d'un millénium, d'internet pour serrer, qui seront les parents de demain, des assistés attardés, vive la technologie, on chauffe le bouffe au micro-ondes, y'aura des effets ravageurs, OGM nucléaire, boom. On sera tous morts, j'traque avec des faces de Star Trek, Star Follow, les Kain, ils font le remake de Star Wars, sous hypnose, plonge dans ce monde en apnée, condamné mes dignes, mes lignes règnent, c'est inné. Le sens de mes dires, suis le sang de ma plume. L'essence de nos vies donne naissance à une brume où nos âmes se perdent, où nos esprits se noient. Une étincelle superbe, ce monde est contre moi. Les magiciens du nouveau millénaire s'améliorent, maîtrisent notre subconscient et viennent s'emparer de l'or. Master-ci, percer dans rap c'est pas mon souci. Mon futur, je le connais à destin en sursis. Quand les racines fissurent et ventent le bitume, les paroles de nos pères embellissent nos coutumes. Master-ci, percer dans rap c'est pas mon souci. Mon futur, je le connais à destin en sursis. Quand les racines fissurent et ventent le bitume, les paroles de nos pères embellissent nos coutumes. Embobine la pellicule, immortalise ce moment. Ébloui par le flash, mon iris est fumant. Mes lyrics sont des filets d'images bloqués sur une vision. C'est dans mon chat sur un tableau brisé. En mosaïque, des couleurs ternes ornent ma toile. Peintre des temps modernes, je lève le voile sur ce chef-d'œuvre. À titre aux grands ensembles, la barbarie de l'urbanisme mêle nos espoirs ensemble. Les architectes du chaos gravent le néant sur notre sol. Suite à la tech, grave ta haine à l'aérosol. Problématique, tout n'est que mathématique. On ne sauve pas un peuple de la noyade à l'aide pneumatique. Master-ci, percer dans rap, c'est pas mon souci. Mon futur, je le connais à destin en sursis. Quand les racines fissurent et ventent le bitume, les paroles de nos pères embellissent nos coutumes. Master-ci, percer dans rap, c'est pas mon souci. Mon futur, je le connais à destin en sursis. Quand les racines fissurent et ventent le bitume, les paroles de nos pères embellissent nos coutumes. Master-ci, percer dans rap, c'est pas mon souci. Mon futur, je le connais à destin en sursis. Quand les racines fissurent et ventent le bitume, les paroles de nos pères embellissent nos coutumes. Master-ci, percer dans rap, c'est pas mon souci. Mon futur, je le connais à destin en sursis. Quand les racines fissurent et ventent le bitume, les paroles de nos pères embellissent nos coutumes.